cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans Television Television, le retour de Breaking Bad à la télé bat des records de cote écoute. That's Breaking Awesome. Dans cette fête Academy, combien de feuilles de papier seraient nécessaires pour faire imprimer Wikipédia au complet? Et dans le segment Geek CNX, un site de rencontre pour les gens qui sont allergiques au gluten. Où est celui pour les intolérants au lactose? Tout ça et plus tout de suite au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et voici celui pour qui chimie veut dire mélanger deux sirops dans son Soda Stream. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Walter White. Comme à chaque semaine, je dois avoir quelqu'un avec qui parler. Un peu comme un chimiste a besoin de plusieurs ingrédients à mélanger. Donc voici Marie-Ève Picard. Bonjour! Bonjour! Ça fait du bien le petit congé de deux semaines, hein? Ben oui. Mais non, d'une semaine, ça fait deux semaines qu'on ne se pas parler. Ouais, c'est ça. On se parle pas entre les deux. Non, pas en tout. Donc, on n'était pas là la semaine passée à cause du Grand Prix Trois-Rivières, mais quand même, ça nous a fait prendre un petit peu de repos et on a deux semaines de gros contenu pour l'émission d'aujourd'hui, donc ça va faire plaisir. Dans quelques instants, on fera la chronique Television, mais avant ça, il faut, même si t'en as pas vécu la semaine passée, là, tu dois te remettre dans le bain. Oui, vas-y. Du chiptune, un peu de musique de jeux vidéo ou inspiré à partir de consoles de jeux vidéo. Créé à partir de. Soit c'est à peu près ça. Créé à partir de consoles ou qui est inspiré par. Ouais, c'est pas mal beau ça. C'est beau comme atico. Ben, merci. Ça fait genre des années que je joue du chiptune assez fou et la définition m'échappe encore par moment. Donc, on commence avec un remake, en fait, d'une pièce qui a inspiré la chanson du jeu Tetris. Tu sais, dans Tetris, il y a une chanson qui joue en arrière tout le temps. Ouais. Ça, c'est basé sur une pièce de musique classique qui s'appelle Korobeiniki. Ça date du 19e siècle en Russie. Donc, le gars qu'on va écouter qui s'appelle The Mad Bitter. Voulait s'inspirer de cette chanson-là et du présent et du futur avec une version 8-bit de la version originale qui a inspiré une chanson qui a été jouée en 8-bit dans Tetris. Non! C'est aussi confus que ma description de la discipline. Ouais, mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air bon et écoutons-la. Donc, oui. The Mad Bitter, voici Korobeiniki, version 8-bit au 89 FM. C'est fou. Je sors mon Game Boy, là. Je te vois, là. Une barre! Pas de cubes, j'aime pas les cubes dans Tetris, ça risque pas. Mad Bitter et Corobain Mickey. 8 bits. Une version 8 bits, donc, d'une chanson qui a inspiré la chanson thème de Tetris. Et Marie-Ève, est-ce que tu te rappelles un petit peu de la chanson thème? Ben non, pas tant. Mmh. Mais c'est parce qu'il faut que je t'explique, là. Moi, quand je joue à Tetris, là, c'est parce que je baisse le son. Ah, outrage! Oui! J'étais un peu gênée de dire ça, là, mais ouais. Fait que je baisse le son parce que ça m'énerve un petit peu. Ben, j'avoue que la version qui a été utilisée dans Tetris, les premiers Tetris en tout cas, était une version, disons, simplifiée de la chanson qu'on vient d'entendre. Okay. Puis, où c'était juste le petit bout tout le temps redondant, ouais, parce que la mémoire du Game Boy avait pas tant de place que ça. Et si tu veux te rappeler un peu, ou en tout cas au moins l'entendre pour la première fois dans ton cas, on dirait bien, on va écouter un extrait de la chanson thème de Tetris telle qu'entendue sur la version originale au Game Boy. Oh. En noir et blanc, jaune et vert, on s'appelle. Oui. Écoutons ça à l'instant, juste après que j'ai pris le 3 secondes qu'il faut pour passer par-dessus la pub. Attention, le lave là. On comprend qu'il y avait un petit bout de ça dans la version qu'on a entendue, mais vu que c'est la version inspirée de la chanson originale, il y avait tout le reste de la chanson autour. Ouais, c'est ça. Ben, c'est souvent ça, hein? Et voilà. Mais j'adore cette chanson de Tetris. Maintenant, ben, tiens, continuons, Mathieu Planchot, avec la première chronique de la journée. C'est Television, Television. Television, Television. Et ça va bien aujourd'hui. Woo! Les deux semaines m'ont rouillé, je pense. Pourquoi tu... Television, television! Ah bon? Winam qui plante, ça m'est jamais arrivé. donc voici, si tout va bien, Television, television. Me baisse sur un 10 cents, moi. Ben oui. Bonne technique, puis clac, t'as rien de mettre. Bon? Hey. C'est quoi, là? T'aimais pas mon imitation de Television, Television? Laisse de la mettre pareil. C'était presque convaincant. Ah oui, je sais. Ouais, je suis bonne. Tu connais l'humoriste Adib Al-Khalidé? Adib Al-Khalidé. Ah non? Oui. J'avais montré quelques extraits à un moment donné, il me semble. En tout cas, bref, il est très très drôle, très bon Jack. Et bien, il va avoir sa propre émission de télé-réalité sur le web, en fait. Donc, on se demande, votre quotidien est-il digne d'un scénario? Voilà peut-être votre chance de connaître la gloire en prenant part à la première web-réalité québécoise. Ma vie est un téléroman que va animer l'humoriste de la relève, Adib Al-Khalidé. TVA, qui est derrière ce projet attendu sur son portail à l'automne, recherche des candidats qui n'ont pas froid aux yeux et qui souhaitent se livrer devant la caméra. Les 16 candidats retenus, ils doivent être âgés entre 18 et 88 ans, devront se filmer sur une base quotidienne 8 semaines durant et raconter leur vie dans des clips de 2 minutes tournés sur leur téléphone mobile, caméra web ou tablette. Ils devront être suffisamment intéressants et divertissants aux yeux du public qui se chargera des éliminations. C'est comme un genre de Big Brother pour les téléspectateurs. Ou est-ce qu'on dit web spectateur? Le gagnant touchera une cagnotte de 15 000 $. Pour des petites minutes ou deux tournées sur un cellulaire. Les producteurs ont indiqué qu'ils cherchent des gens qui vivent des histoires à bras-cadabrantes et qui sont au cœur de l'action auprès des membres de leur famille, de leurs amis et collègues. Adib Al-Khalidé invite les internautes à se manifester dans une vidéo disponible sur YouTube. Le lien sur assemblagerequis.com. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 1er septembre. Le site est maviestuntéléroman.com. Oh! Intéressant comme projet. Je trouve ça dommage que seulement sur le web, parce qu'on s'entend que le public site de TVA a encore des CD d'AOL pour aller sur Internet. Donc, bon. Passons à 19.2 maintenant. Laurence Leboeuf va jouer dans la version anglaise de 19.2. Non! Malade, hein? Laurence Leboeuf va jouer dans l'adaptation anglophone de 19.2 dont on a déjà parlé ici à Television Television. Ça va être diffusé sur Bravo. L'actrice donnera la réplique aux acteurs dont on a déjà parlé, Jared Kiso et Adrian Holmes, qui vont jouer les versions de Claude Legault et Réal Bossé. Chez Sphere Media Plus, la boîte de production de 19.2, on refuse d'infirmer ou de confirmer l'information. Là, on dit que c'est encore seulement des rumeurs. Le processus de distribution des rôles n'est pas terminé. Parmi les autres acteurs québécois qui prendront part au tournage de cette nouvelle version, la première saison du drame policier en anglais, on cite, et on se rappelle encore une fois qu'on a déjà parlé, Maxime Roy. Oui, et Mylène Dinerobic. Mm-hmm. Bravo révélait qu'elle avait commandé l'adaptation anglophone de 19.2 pour une présentation tôt en 2014. On parlait de 10 épisodes de d'une heure, en fait. Ben, moins d'une heure avec les pubs, c'était les enlèves. Qui serait tourné dans la métropole cet automne. Le parlant anglais de Radio-Canada, CBC, avait démontré de l'intérêt pour 19.2 au départ, mais avait laissé tomber. Parfaitement bilingue, elle est apparue dans plusieurs séries anglaises. On parle évidemment de Laurence Leboeuf ici. Au cours des dernières années, elle a commencé par Being Erica et Flashpoint. Je vous rappelle qu'elle jouait dans 15 Love Match. Une émission de tennis. à Radio-Canada. Oui. C'était bon, ça. Ah, oui. Présentement, elle tourne dans la 5e saison de Trauma qui reprendra l'antenne à Radio-Canada en 2014. Mmh. Est-ce que t'es fanatique de Sexe à New York? Pas tant. Non, c'est pas pour tout le monde, ça. Non. Mais les créateurs de Sex à New York écrivent actuellement le pilote de Younger, série destinée à la chaîne câblée TV Land. Donc, près de 10 ans après la fin des aventures sentimentales de Carrie Bradshaw et de ses amies new-yorkaises, Darren Star tente toujours de retrouver le succès. Pour sa première tentative, il gardera la prochaine tentative, pas première, il gardera New York comme décor et s'échinera à nouveau de suivre les déboires d'une femme. Younger s'intéressera à Alice, une femme au foyer quadragénaire du New Jersey fraîchement séparée. Incapable de reprendre sa carrière, elle décide de mentir sur son âge. Une méthode qui va faire ses preuves puisqu'elle décroche un travail dans une prestigieuse maison d'édition de New York. Également producteur du projet, Darren Star s'attelle à ce moment à l'écriture du premier épisode en se basant sur le roman de Pamela Redmond Saturn, paru en 2005. Donc encore une fois, paru, c'est inspiré d'un livre. Ouais. Ça a quand même l'air bon. Ouais. Faudrait se lancer peut-être pour toi dans les sexes à New York. Peut-être pas, là. On peut s'en passer. Ouais, c'est ça, mais non, celle-là, ça a l'air quand même assez intéressant. Ouais. Elle est mesquine, elle ment sur son âge. Comment? Elle est mesquine, elle va mentir sous son âge. Oh, tellement bien. Je pense que ce ne sera pas la première et pas la dernière à le faire. On parle maintenant de Steven Spielberg. CBS a commandé la nouvelle création télévisuelle de Steven Spielberg, Extant, pour améliorer ou alimenter sa grille d'été 2014. La chaîne américaine participera aussi à la coproduction de ce thriller d'anticipation. La première saison d'Extant... Ça veut dire quoi, ce thriller d'anticipation? La première saison d'Extant se constituera de 13 épisodes. Ils relateront le désarroi d'une astronaute fraîchement revenue sur Terre. Intéressant. Oh. Original, à mort. Oui. Après une année dans l'espace, le personnage devra renouer avec ses proches, mais aussi affronter une série d'événements troublants capable de changer la face du monde et apparemment lié à sa dernière mission. Entre suspense et fantastique, Extant affiche des ingrédients décelés dans de nombreuses autres productions télévisées de Steven Spielberg. Il fait toujours dans ce genre de truc grandiose. Taken, Terra Nova, Falling Skies et la très récente et très populaire en ce moment, Under the Dome. C'est lui qui est là-dessus aussi. Oui. Donc, on s'attend à un autre succès sur la télé. À la télé 2014. Ça a l'air bon, ouais. Moi, je pense qu'on devrait se mettre à ce Stephen King-là. Oui. Trop de choses à regarder, mais moi. Là, tu es go. C'est ça. En revenant à la maison. L'Exorciste maintenant qui devrait faire l'objet ou qui pourrait faire l'objet d'une série télé, une série largement inspirée du film Exorciste pourrait voir le jour en 2014. L'horreur a plus que jamais la cote au petit écran. Les succès des séries comme American Horror Story, Bates Motel et The Walking Dead semblent faire des envieux. Une nouvelle version du célèbre L'Exorciste, adaptée du roman de William Peter Blatty et par William Friedkin, est sortie sur les écrans en 1974 et serait actuellement en projet selon le site Deadline. Cette diffusion en 2014 coïncidera alors avec le 40e anniversaire de la sortie du film. Le producteur Roy Lee, qui a travaillé sur Le Cercle, Rage meurtrière et Agent Trouble, a fait savoir qu'il présenterait dans les jours à venir à différentes chaînes câblées à la version qu'il imagine. Jeremy Slater devrait signer le scénario en parallèle de l'écriture de la relance des Quatre Fantastiques. En 2012, le réalisateur Sean Durkin avait manifesté son désir de porter à l'écran le roman de Blatty dans une mini-série de 10 épisodes. Blatty lui-même, unique détenteur des droits à l'époque, avait mis fin à ce projet et toujours selon le site Deadline. Il semblerait que la société de production Morgan Creek ait enfin réussi à les acquérir, donc on va suivre ça, une nouvelle série pour l'Exorciste. Ouais, ça va faire tourner les têtes. Moi, je voudrais pas la suivre. Non, c'est dégueu, hein? Ça, moi, non plus, pas très horreur. Ça me prend pas grand-chose de me faire sursauter. Non, c'est ça. Non. Tiens, parlant de choses épeurantes, Sharktopus. Bon. On parle tout le temps de Sharknado depuis les dernières semaines. Avant l'arrivée de Sharknado, donc nous avons connu Sharktopus, une créature bizarre mélangeant pieuvre et requin, présentée par Roger Corman et diffusée sur Sci-Fi, la même chaîne que Sharknado. Maintenant, le site Shock Till You Drop nous informe que la société de production New Horizons prépare le retour de Sharktopus dans un film nommé Sharktopus vs. Mermantula. Donc le nouveau film sera réalisé par Kevin O'Neill et mettra en vedette Casper Van Dien et Catherine Oxenberg. Pour le moment, O'Neill est en post-production pour un autre film avec Sharktopus qui s'appelle Sharktopus vs. Pteracuda et qui met en vedette Robert Carradine. C'est le style de ces films-là que je trouve tellement génial. C'est drôle. Donc, lisons un petit peu sur Sharktopus versus Mermantula. Afin de tuer Sharktopus, Ray Brady, un ancien joueur de basketball, se fait injecter un sérum qui modifie sa génétique et qui transforme en créature mi-homme, mi-piranha, mi-tarentule. Oh, man! Bien que le premier essai pour tuer Sharktopus, le premier essai, oui, pour le tuer n'est pas réussi, Ray finit par s'injecter lui-même des hormones de croissance, augmentant ainsi sa puissance par 10 afin de combattre pour une dernière fois Sharktopus dans un stade de baseball. Oh mon Dieu, ça a l'air mauvais. C'est génial, c'est du catégorie Z. Et j'adore ça. Oh. Tu peux pas avoir peur de ça, c'est tellement incroyable. Mais non, j'ai pas peur, mais oh mon Dieu. Wow, c'est à s'en régaler les yeux et les oreilles. Ah ouais, ah ouais. Les dernières mésaventures de Walter White dans Breaking Bad étaient attendues avec ferveur par les téléspectateurs américains. Et pour preuve, 5,9 millions d'entre eux ont assisté à l'ouverture de l'ultime saison le 11 août dernier sur AMC. Des critiques plus que jamais élogieuses et une campagne promotionnelle menée par l'acteur Bryan Cranston sur tous les talk shows ont fini par payer. Breaking Bad a signé un record d'audience à l'occasion de son retour à la télé américaine, nous dit cet article du Journal de Montréal. La deuxième partie de sa cinquième et dernière saison a démarré en trombe devant 5,9 millions de personnes, du jamais vu pour la série qui double son audience par rapport à l'été dernier. On se rappelle que le tout premier épisode proposé en 2008 sur AMC avait attiré 1,4 million de curieux, donc ça a monté. Mais c'est vraiment? Depuis, Breaking Bad a fait un bon bout de chemin, acclamé par les critiques du monde entier. Le drame compte à sa collection de trophées pas loin de 7 Emmy Awards, en partie récoltés par son acteur star Bryan Cranston. La série qui tirera sa révérence le 29 septembre prochain peut encore prétendre à 8 nouvelles récompenses lors de la cérémonie des Emmy Awards 2013 qui se tient la cérémonie le 22 septembre. Breaking Bad, ça n'arrête pas de casser des records et de... Ah mais hein, on n'entend rien que ça. On convainc tout le monde avec cette série-là. Ça doit être bon. Ben, faudrait s'y mettre. Ouais, comme toujours, une autre affaire à mettre sur la liste. Ouais. Nouvelle triste un petit peu ici. Quelques nouvelles tristes de suite. Oh non. Ouais, ben... Attends, je vais chercher ma voix de Kleenex. Non, ben, moi... Comment, celle-là, elle va... OK, on va y aller tranquillement. OK. Sandra Oh va quitter Grey's Anatomy. Non! Oui, c'est vrai, le personnage qui interprète Sandra Oh, Christina Yang, va quitter. Oh! Oui. Donc, Sandra Oh a annoncé son départ de la série hospitalière américaine. Elle a pris la décision de tourner la page de Grey's Anatomy à l'issue de la 10e saison que la chaîne ABC diffusera à partir du jeudi 26 septembre. Un lourd départ pour le drame médical, puisque l'actrice canadienne faisait partie de la distribution originale. Présente depuis le lancement en 2005, Sandra Oh incarne Christina Yang, titulaire en chirurgie cardio thoracique, brillante, ambitieuse, parfois arrogante. Son départ devrait laisser un grand vide, particulièrement pour sa meilleure amie Meredith Grey, l'héroïne de la série, nous dit l'article de la presse.ca. La nature de son départ et sa date reste encore des facteurs inconnus. Sandra Oh a préféré prévenir tôt l'équipe de Grey's Anatomy afin que les scénaristes lui réservent une fin à la hauteur de son personnage. Et on se souvient encore une fois que depuis 2005, 8 acteurs récurrents ont quitté la série Grey's Anatomy. Donc il reste plus grand monde de la première saison. Oh, c'est triste un peu. Mais j'espère qu'ils vont ils vont pouvoir boucler l'histoire. Ouais, c'est au complet, ça, ils vont la avoir boucle, le temps. Puis envoyer ça sur un autre angle. Exactement. Vraiment. Est-ce qu'on espère que ça finisse bien ou que ça finisse mal pour que ça te dérange comme... Ben, moi, j'aime ça quand ça finit mal. C'est le fun, même. Hein? Ouais. Ça fait du... Ça fait du poum-poum-poum. Poum-poum des sentiments dans le cœur. Ouais. Et encore, le plus triste, je t'avais dit, je vais te préparer avec une nouvelle moyennement triste. Ouais. Il y a une actrice qu'on connaît, pas tant que ça, mais quand même, qui est décédée, encore une fois. Oh non! C'est Lisa Robin Kelly qui jouait dans That 70s Show. C'était la cousine de Eric. Donc, l'actrice Lisa Robin Kelly de la série That 70s Show est décédée pendant son sommeil dans un centre de désintoxication, encore une fois, un peu comme Cory Monteith. Maudite drogue, hein? Et ouais. En Californie, donc le 14 août dernier, à l'âge de 43 ans. La nouvelle a été annoncée par son agent Craig Wyckoff. Lisa Robin Kelly était surtout connue pour son rôle de Laurie Forman, la sœur aînée d'Eric Forman dans la série That 70s Show, diffusée entre 1998 et 2006 sur la Fox. Elle a fait ses débuts à la télé en 92 dans Married with Children. Elle est aussi apparue dans les séries Murphy Brown, Charmed et Silk Stockings. Elle combattait sa dépendance à la drogue et à l'alcool depuis plusieurs années. Elle a été arrêtée au moins 4 fois depuis 2010 pour délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violence conjugale et assaut. Cette dernière arrestation s'est déroulée le 23 juin dernier pour conduite en état d'ébriété. La cause de la mort n'a pas encore été révélée. Mais donc encore une autre personne qui est morte. Et en plus, plus tôt pendant la semaine, Gia Allman de l'émission The Bachelor est aussi décédée. On croit que c'est un suicide. Donc ça fait pas mal de morts ces temps-ci. Aïe, aïe, aïe. Donc ça arrête plus. Ouais. Et pour ne pas finir sur une note aussi triste que ça, allons-y avec une nouvelle plus positive. Ça commence à dater, là, mais comme on n'était pas en onde la semaine passée, je récupère un petit peu pour les grosses nouvelles. Peter Capaldi, qui sera la prochaine vedette de la série Doctor Who. L'acteur sera la prochaine vedette donc de la série anglaise. La BBC l'a annoncé. C'est l'acteur écossais Peter Capaldi, connu pour son personnage de Malcolm Tucker dans la série The Thick of It, qui va... J'avais le mot tiendra dans l'article et je me suis dit bon. Le premier rôle dans la série de science-fiction qui fêtera bientôt ses 50 ans. L'identité du prochain docteur qui a fait l'objet de spéculations passionnées a été révélée durant une émission britannique diffusée en direct à heure de grande écoute. Il est le 12e acteur à incarner le célèbre docteur, un seigneur du temps qui voyage à bord du TARDIS, une cabine téléphonique qui se déplace dans le temps. Âgé de 55 ans, il est aussi le plus âgé depuis le tout premier docteur Who. William Hartnell. Amateur de la série depuis son enfance, M. Capaldi s'estime très privilégié d'avoir été choisi. Et on rappelle que la série Doctor Who est diffusée depuis 1963 et est l'une des émissions les plus populaires de la BBC, autant en Angleterre qu'à l'étranger. Donc, l'article de la presse et Peter Capaldi qu'on va suivre dans Doctor Who. Ouais! Code d'écoute très rapidement pour la semaine du 5 au 11 août dernier. Donc, 10e position à la 6e rapidement. Ciné-comédie, Vengeance, dimanche à Hollywood, Juste pour rire, spécial 30 ans et film de filles. En 5e, c'est Sucré-salé à TVA. 4e position, TVA Nouvelle, 18h. 3e, Jean-Marc en attendant Céline à TVA. Oh mon Dieu. En 2e, Roue de fortune chez vous à TVA. En première... ouais, encore. Et en première, c'est Les Chefs. Bon, donc au moins une émission, une vraie émission, premièrement. Ben oui, c'est ça. Il était temps. Et québécoise à 100%. Hey, bon, bravo. 767 000 téléspectateurs. Au Canada anglais, 10e à la 6e rapidement, America's Got Talent du mardi et du mercredi. 8e, Rookie Blue sur Global. 7e, CTV Evening News. 6e, Big Brother du mercredi. 5e, The Big Bang Theory sur CTV. 4e, Big Brother du jeudi sur Global. 3e, Under the Dome sur Global. En 2e, Master Chef sur CTV. Et en première, The Amazing Race Canada sur CTV avec 2 425 000. Master Chef, une autre émission de cuisine? Ouais. Et au Québec, émission de cuisine. Donc, tu vois, le Canada et le Québec, main dans la main. Ouais, ça se suit, ça se suit. C'est bon, c'est bon. Tant mieux. Donc voilà, pour les codes d'écoute, allez voir sur assemblagerequis.com pour le reste de la liste. on retourne en musique, entendre un extrait de Darius Carlin qui s'appelle Lasers of Xander. Et après ça, on revient avec C'est un fait Tech Edition. C'est cool ça? C'est pas mal cool ça, Mathieu Plante. Je trouve que toi, tu mets pas assez d'excitation dans ton affaire. Ok, attends, je recommence. Ah, wow, c'est pas mal cool ça! Je pense que c'est pas assez à trop. Bon. Je suis trop d'excitation. Jamais content, hein? Ah, c'est de même. Oh, Seigneur. Vous êtes au Mathieu Plante. MPS. Lasers of Xander par Darius Carlin au Mathieu Plante Show. Waouh, c'était bon ça! Hey, c'est pas mal bon ça! T'es rapide pas mal, par exemple? Oui! Comme 10 secondes? Ouais, hein? Bon. Pas tant long. Ben, ça nous amène à la prochaine chronique. Hein? Oui! Voici C'est un fait Tech Edition. Hein? C'est un fait Tech Edition, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables dans le domaine technologique. Ah ben? Et commençons avec ce qui est passé dans l'histoire. On recule, on essaie de remplir les deux dernières semaines quand même, mais pas trop lentement non plus. Le 5 août, en 1914, l'American Traffic Signal Company a installé la première lumière, dans le fond, la lumière au coin de rue, tu sais, genre, ouais, les ouais. Trafics de les lumières de circulation. Oui. C'était à la rue East 105. Et Ulysses Avenue à Cleveland, en Ohio. Oh. Okay. Alors, en 1921, première diffusion radio d'une partie de baseball sur la station KDKA au Forbes Field de Pittsburgh. Mm-hmm. Mm. Et en 2012, le Mars Science Laboratory, le Curiosity Rover, a atterri sur la surface de la planète Mars dans un des atterrissages ou les plus compliqués de l'histoire. 6 août, en 1991, Tim Berners-Lee a posté un court résumé sur la page de son World Wide Web Project au alt.hypertext et pointait vers un furteur simple et une page web qui décrivait le projet. Donc, le www, comme on a plus tard commencé à l'appeler, est devenu un service publiquement disponible sur Internet. C'était en 1991. Oh. En 97, au Macworld à Boston, Microsoft a annoncé qu'ils investiraient, 150 millions dans la compagnie Apple. Et qu'ils allaient continuer de rendre Microsoft Office disponible sur le Mac pendant au moins 5 ans. Ça, c'était en 97. 7 août 1955, Tokyo Telecommunications Engineering a sorti la première radio transistor commercialement disponible, donc la TR-55, vendue sous le nouveau nom de la compagnie qui était maintenant rendue Sony. Ensuite, on saute au 9 août 1859. Le brevet américain numéro 25076 a été accordé à Nathan Ames de Saugus au Massachusetts pour le premier escalier type escalator. Donc, genre, tu sais, les escaliers roulants. Ouais, ouais. Donc, c'était en 1859. Ah, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Le 10 août 2004, le iTunes Music Store a dépassé les 1 million de chansons de disponibles. C'était en 2004. Mmh. Ensuite, on saute au 12 août en 1960. Le premier satellite de communication de la NASA, Echo 1, a été lancé à partir du Cape Canaveral. Le 13 août en 1912, le département américain du commerce a donné la première licence de radio expérimentale. Donc, c'était le St. Joseph's College qui a reçu cette licence, ce permis, avec le numéro de série 1. Ils avaient le droit d'opérer une station de 2 kW. C'est la station 3XJ, c'est en 1912. Ça, c'est hot, là. Mais c'est numéro 1. Number 1. Tu peux dire dorénavant, pendant toute l'histoire de la station, we're the number 1 radio number station. One. En 2004, Adam Curry a lancé un flux RSS d'enregistrement audio qui s'appelait Daily Source Code et c'est devenu le premier podcast, la première balado-diffusion. Oui. Mm-hmm. Oh. 14 août 1994, la première transmission sans fil d'information en utilisant du code Morse a été faite en démonstration par Oliver Lodge pendant une réunion de la British Association à l'Université Oxford. Un message a été transmis à une distance d'environ 50 mètres. En 1894, 50 mètres, c'était. Ça avait commencé. C'est petit, ouais. Mais c'était sans fil, là. Ah, c'est ça. Faut commencer à quelque part. Le 15 août 1994, le programmeur de chez Microsoft, Benjamin Sivka, a envoyé un courriel à son équipe leur suggérant de faire un furteur web, de fabriquer un furteur web qui allait être disponible pour Windows 95. Oh! Donc, c'était quand même un crime. Pourquoi ne pas mettre un furteur Internet? Ben oui, c'est ça. Parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. D'inclus dans les systèmes d'exploitation. 16 août 1993, Ian Murdoch a annoncé le système de distribution Debian Linux. Donc, Linux, on connaît le système d'exploitation Linux. Le nom a combiné sa copine, à l'époque, qui s'appelait Deborah, et son nom à lui qui était Ian, donc Deb Ian. Oh. Donc, on serait supposé prononcer ça Deb Ian, j'imagine, mais on appelle ça Debian. Oh, ben, il est donc bien romantique. C'est Kyo, lui. Hein, ça veut dire, donc, ouais, il est romantique, lui. En 1995, la première version du furteur web dont on parlait de Microsoft, Internet Explorer 1. En fait, c'est début, basé sur Mosaic que Microsoft avait pas acheté, mais ils utilisaient une licence, bref, de la compagnie Spyglass Inc. Et il nous en reste deux. Le 17 août 1982, Royal Philips Electronics a fabriqué le premier compact disque. Là, on compte pas tous les tests qu'il y avait eu avant, mais à l'usine Polygram à Langengagen, juste à l'extérieur de Hanover, en Allemagne, je prononce ça tout croche, le CD était The Visitors par ABBA. Ah ben. Dancing Queen. Wow. Et le 18 août en 1937, la première, c'est quoi? C'est Frequency Modulation, modulation fréquence, où le premier permis de radio FM a été donné à W1XOJ de Paxton au Massachusetts, qui est entré en onde avec son horaire régulier en mai 1939. Ensuite, en 1947, 8 ans après que William Hewlett et David Packard l'aient fondé, la compagnie Hewlett-Packard a officiellement été incorporée. Enfin, 47. Voilà pour ce qui s'est passé dans l'histoire. Non. C'était beaucoup trop en même temps. Mais non. Si on imprimait Wikipédia au complet. Pourquoi tu devrais faire ça? Pour tuer le plus d'arbres possible. Ah! Donc, un livre de Wikipédia ferait environ 2,25 millions de pages d'épais. Rien que ça. Juste ça. Le nom Intel vient de Integrated Electronics, mais ils ont été obligés de payer une chaîne d'hôtels, 15 000 $ pour avoir le droit d'utiliser le nom Intel. J'imagine qu'il y avait un hôtel qui s'appelait Intel. Ouais. Intel Hotel. Lady Gaga est la personne la plus populaire sur Twitter, avec plus de 12 millions de personnes qui la suivent, donc des suiveurs. Google Maps utilise 20 pétaoctets de données, ce qui est l'équivalent de 21 millions de gigaoctets. Le premier nom de domaine à avoir été enregistré était symbolics.com. S-Y-M-B-O-L-I-C-S.com. Ah. Intéressant. Le premier disque dur de 1 gigaoctet au monde a été annoncé en 1980. Il pesait 550 livres et avait une étiquette de prix de 40 000 $. Chance que t'en voulais pas dans ce temps-là. Ben non, parce qu'on n'en a pas besoin, c'était ben trop gros. Ben non, jamais, on remplira jamais ça. Ben non, c'est ça, hein. Puis à ce temps, t'en auras besoin de 50. Hey! Microsoft a au-dessus de 10 000 brevets et va appliquer pour environ 3 000 brevets à chaque année. Donc, c'est là, c'est dans le top 5 des propriétaires de brevets aux États-Unis. Oh. Bravo à eux. Ben oui. Ah, ils font tout plein d'argent là-dessus, j'en suis certain. Ben, exactement. Hein? 91% des employés vérifient les comptes de médias sociaux comme Facebook et Twitter lorsqu'on applique pour un emploi, plus que LinkedIn. Donc, 91% va vérifier Facebook et Twitter. Bref, il y en a beaucoup moins qui regardent LinkedIn. Ouais. C'est rendu quasiment populaire. Pas mal, quasiment. Quasiment, on pourrait dire. Les femmes comptent pour environ 20% de tous les professionnels de la technologie. Bref, là, les gens qui travaillent sur, sur les réseaux, la technologie, okay. les TI, IT, IT, TI en français. Donc, 20% environ de femmes. Les étudiants d'école secondaire passent en moyenne 6 fois plus d'heures sur Internet que sur leurs devoirs. Pas très surprenant. Non. L'employé moyen chez Microsoft, on les appelle des softies en passant. donc, si on met tout le monde ensemble et on fait la moyenne, ça fait un homme de 38 ans avec un salaire moyen de 106 000 $. Et tape. Quand même. 97% des fans sur la page Facebook de Pinterest sont des femmes. 97%. Ah, c'est repris là-dessus. Ouais. C'est pas nécessairement une bonne chose. Ouais. Atari est nommé en hommage à un mot en japonais qui veut dire succès. Non. Atari. La GameCube était capable de montrer, d'afficher des graphiques 3D. Et il y avait une version 3D de Luigi's Mansion. Par contre, ça demandait un écran spécial qui affichait le 3D. Donc, personne n'a pu vraiment en profiter. Parlons de Batman maintenant dans les jeux vidéo. Dans le jeu Batman Arkham Asylum, qui est sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, dans la salle des contrôles du pénitencier de Arkham, là où Clayface est gardé prisonnier, il y a un autre prisonnier, bref, finalement, qui se promène et qui se parle tout seul dans une des cellules. Le personnage est Luke Oliver, qui a gagné un concours pour que sa face soit dans le jeu. Arkham Asylum. Ah, il a gagné ça. C'est vraiment cool. C'est cool, hein? Ouais. Donc, c'est ça. Allez voir sa photo sur assemblagerequis.com. Dans Batman Arkham City, c'est possible avec un bug dans le jeu de passer par-dessus les murs de Arkham City. Et quand tu le fais, ça va révéler la ville de Gotham, ainsi que l'Arkham Asylum et d'autres endroits complètement modelés. Donc, ils ont vraiment travaillé sur le modèle de tout ça, sauf que c'est pas affiché dans le jeu. Et puis, vu que tout ça n'est pas solide, dans le fond, c'est qu'ils ont fait juste les paysages, les bâtisses, mais il n'y a pas de plancher. Tu peux pas atterrir à terre. Okay. Ils n'avaient pas fini. J'imagine qu'ils l'ont enlevé du jeu. Ils ont enlevé l'accessibilité au jeu avant de le finir. Ouais. Bref, il faut que tu explores tout ça en un seul mouvement. Dans le fond, quand t'es Batman, tu peux comme planer. Ouais, ouais. Et tu peux seulement planer parce que si t'atterris en bas, tu meurs. J'imagine que tu meurs. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com au lieu de le faire vous-même. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Batman Arkham Asylum maintenant. Eidos Interactive, le président Ian Livingstone disait que quelqu'un avait passé 2 ans à travailler sur juste la cape de Batman dans le jeu. Ça incorpore 700 animations et clips sonores. Donc en tout 700 sur la cape de Batman, 2 ans de travail. C'est fou. Une méchante belle cape. Mais dans le même jeu, si le jeu détecte qu'il a été piraté, il va empêcher Batman d'utiliser sa cape pour justement planer. Donc tu ne pourras pas planer si tu pirates le jeu. Ça rend le jeu évidemment plus difficile et éventuellement ça va faire que Batman va être pogné, pris dans une pièce avec du gaz poison et il n'y a aucune façon de s'en sortir parce qu'il était supposé servir sa cape pour en sortir. C'est vraiment une bonne idée pour punir les pirates. Voilà. Ben, c'est hot, hein? Ouais. Maintenant, parlons de Pokémon un peu. Dans Pokémon Red and Blue sur la Game Boy, la traduction espagnole du jeu est une des pires traductions. Elle est connue comme étant une des pires traductions. D'ailleurs, une des erreurs dans le jeu, c'est la traduction du mot « slam ». À la place, ils choisissent « portazo », ce qui veut dire « claquement de porte ». Et c'est pas supposé être son vrai nom, c'est supposé être juste « slam », mais ils l'ont mal traduit. Oh. Et ce nom-là reste même dans les versions récentes du jeu, vu qu'il avait fait l'erreur au début. Ouais. Ils ont continué de l'appeler aussi comme ça. Aussi bien gardé, puis ouais. Quand même. Oh, ouais. En novembre 2000, le magicien Uri Geller a poursuivi Nintendo parce qu'il utilisait son image sans sa permission. Donc, toujours aussi dans Pokémon, dans la série Pokémon. Le Pokémon Kadabra, qu'on appelle Jungerer au Japon, est un Pokémon qui utilise une cuillère, qui est la marque de commerce de Uri Geller, qui peut faire plier des cuillères, en tout cas, selon lui. Ouais. Donc, le personnage a aussi une étoile sur son front et un éclair sur sa poitrine. Voilà. Donc, à cause de ça, la carte Kadabra, étant donné que Uri Geller avait poursuivi Nintendo, la carte Kadabra n'a jamais été réimprimée par la suite. Donc, c'est plus rare. Ah ben! Dans Pokémon Red and Blue, revenons-y sur Game Boy, Mew était le premier Pokémon, le premier nom de Pokémon à avoir reçu une marque de commerce, finalement. Il a été copyrighté, trademarked. Ouais. Avant même le nom Pocket Monsters, qui est l'origine de Pokémon. Ah, donc, ouais. Mew a reçu sa marque de commerce en 90 et Pocket Monsters en 1995. Oh! Hmm. À 5, hein? On commençait déjà à y penser. Ouais. C'est quand même pas mal, hein, 5 ans. Ben, cool. Me semble c'est beaucoup. Mais tant mieux. Ah ouais. Et finalement, j'ai un extrait sonore à te faire entendre. Oh yes! Oh oui! C'est dans Pokémon Puzzle League qu'on va retrouver ça. Attention, c'est juste ici l'extrait. C'est là-dessus qu'on va finir la chronique, donc ça tombe-tu bien? Hein? Ah ouais, regarde ça, donc, on va l'entendre dans quelques secondes. Mais caché à l'intérieur du code, il y a deux clips de son inutilisés qui viennent présumément de l'équipe qui a travaillé sur Pokémon Puzzle League. Et c'est des messages d'amour. Donc, écoutons ça un petit Emu-chan. Peu. Ichimu, aishiteru. I love you, Liz. C'est cute, hein? Ils ont caché ça dans le jeu. Yumi-chan, I love you. Et l'autre dit, I love you, Liz. Donc, deux travailleurs, j'imagine, sur le jeu. Oh. C'est vraiment cute. Eux autres aussi sont romantiques. Ouais, pas pire. Fatigante. Alors, voilà pour cette fête Tech Edition. On revient dans quelques minutes avec, entre autres, la chronique Cynix. Restez là. Bonjour Mathieu Plancheau avec celle que j'aime, Marie-Ève Picard. Oui, hein? Bonjour. Et Mathieu Plante, ça c'est moi. Mais oui. C'est ça. Deuxième demi-heure, deuxième partie de l'émission qui va comprendre, entre autres, la chronique Geek en devenir. D'ici la fin de l'émission, Marie-Ève va nous partager quelques affaires qu'elle a trouvées. Oui, trois petites affaires. C'est toujours le but de l'émission, on attend juste ça. Ben, je sais bien, écoute mais bien. Là. En attendant, on vient avec la chronique Geek. Voici Cynix. Petit tour des nouvelles technologiques de la semaine. Commençons par un ordinateur portable à énergie solaire. Imaginez n'avoir jamais à brancher votre ordinateur portable. C'est la promesse d'une initiative canadienne qu'on appelle SOL. Le secret de ce que la compagnie prétend être le premier ordinateur portable à être alimenté par le soleil. Outre ses panneaux solaires. rabattables se cache derrière des caractéristiques techniques modestes. Donc, c'est pas un ordinateur du tonnerre. Heureusement, son prix reflète cette réalité. Le Sol est offert en deux versions, 350$ pour le modèle de base et 400$ pour le modèle submersible. Je vais à l'eau. Ses concepteurs ont également choisi un système d'exploitation bon marché, donc Linux, Ubuntu. Sol promet une autonomie de 10 heures après que l'appareil ait passé 2 heures au soleil. Ses panneaux solaires sont également détachables et est donc possible de le positionner à l'extérieur et de connecter l'ordinateur par un câble d'alimentation électrique. Hey, mais c'est vraiment cool. Hein? Ouais. Le fabricant situé à London, en Ontario, est en réalité une branche de l'entreprise Huawei Telecommunications. Oui. Une société de recherche et de développement canadienne. Impossible pour le moment de connaître la qualité du produit ni sa durabilité, mais c'est intéressant. Ouais, ben vraiment, si ça marche, là, ça va être vraiment intéressant. Aux côtés de grands fabricants qui planchent actuellement sur le secteur des montres connectées, une jeune pousse souhaite s'immiscer sur le marché et présente un premier prototype de sa Hot Watch. Les ingénieurs de PH Technical Labs expliquent avoir conçu un premier prototype pour une montre connectée baptisée Hot Watch. Celle-ci présente la particularité d'embarquer un haut-parleur directionnel ainsi qu'un microphone directement dans le bracelet, donc il va suffire de courber légèrement sa main sur son oreille pour prendre un appel téléphonique. Ah! Une montre téléphone. Fait que là, on va voir tout le monde se promener dans la rue là, avec leur main là, à côté de la joue. Puis on va dire, coudonc, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Là? C'est déjà moins nul que ceux qui parlent juste dans les airs avec leur oreillette Bluetooth et que tu as juste l'impression qu'ils parlent à eux-mêmes. Ouais, c'est ça. La montre est donc associée au smartphone en Bluetooth avec la possibilité de synchroniser chacune des alertes et à la réception d'un appel, il va suffire de courber sa main contre son oreille. Il y a un gyroscope permettant en outre d'autres actions. Par exemple, la possibilité de rusher un appel en envoyant son poignet dans les airs. Ça, c'est hot, ça, par exemple. La Hot Watch embarque par défaut plusieurs applications. Météo, bourse, calendrier, actualité, Facebook, Twitter, SMS, lecteur de musique. L'accès à l'intégralité des fonctionnalités nécessitera un smartphone Android ou un iPhone. Il va avoir un mécanisme de reconnaissance gestuelle et on prévoit commercialiser quatre versions de la montre, Basic, Edge, Classic et Curve. Ils sont sur Kickstarter. Allez voir le lien sur assemblagehockey.com. Oh, ah, et voilà, Kickstarter. Bonjour. Oui. Tu sais comment c'est gossant, les gens qui prennent une photo ou une vidéo à la verticale sur leur téléphone? Ah, oui. C'est pas fait beau. Pour être à l'horizontale. Ouais, c'est ça. Donc, que diriez-vous de choisir l'orientation de votre photo sans changer l'orientation de votre appareil? Ah. Ce sera peut-être bientôt une réalité sur l'appareil photo Sony. Cool. Et évidemment, ça va être adapté plus tard au téléphone cellulaire. Ouais. Donc, on décrit un appareil photo dont le capteur et l'écran tourneraient pour permettre de photographier en orientation verticale tout en tenant l'appareil à l'horizontale ou le contraire. Ah, c'est malade, ça! Certains appareils photo disposent d'un écran orientable, évidemment, donc celui du brevet serait en plus rotatif. En tournant l'écran en portrait, l'utilisateur déclencherait la rotation du capteur et puisque les objectifs délivrent par nature ce qu'on appelle un cercle optique, ils ne demanderont pour leur part aucune adaptation. Ce procédé permettrait de bénéficier d'une aussi bonne stabilité à la verticale qu'à l'horizontale et ce brevet pourrait aussi et surtout bénéficier aux smartphones qu'on tient plus naturellement à la verticale sur lesquels il pourrait finalement endiguer le syndrome de la vidéo verticale. Mmh. Mmh. Selon son fabricant, Lixil, le siège de toilette intelligent Satis offre non seulement une considérable économie d'eau, mais aussi une longue liste de fonctionnalités relaxantes destinées à satisfaire tous les sens. Mais Satis a un point faible, il peut être piraté. Oh. Donc un siège de toilette piratable. Ah ben, motadine. De quoi occasionner de mauvaises surprises aux usagers. L'invention s'est rapidement imposée dans les hôtels et restaurants de luxe japonais et proposée aux États-Unis au prix de 5 000 $. Le siège de toilette Satis est si perfectionné qu'il est associé à l'application Android. Cette dernière permet de lever la lunette, donc le siège à distance, d'activer le bidet, de tirer la chasse ou de jouer des playlists musicales. Le code PIN, le NIP, donc, permettant d'accéder aux fonctionnalités, est par défaut le 000. Oh. Ce qui signifie que les toilettes high-tech peuvent être commandées par tous les téléphones Android sur lesquels l'application est installée. Ben toute là. Personne qui utilise MySatis, l'application peut contrôler toutes les MySatis. Oh, franchement! Une personne mal intentionnée peut donc s'amuser à déclencher la chasse en continu. Faut savoir rien à faire. Oh. 0000. Flash, flash, flash, flash, flash, flash. sur la toilette de ton voisin. Les possesseurs de smartphones Android qui aiment se donner des sueurs froides peuvent se jeter sur Send Me to Heaven, un jeu à l'interactivité aussi périlleuse qu'originale, disponible sur Google Play. Send Me to Heaven, donc, est un jeu à l'objectif simple. Jetez votre téléphone aussi loin et aussi haut que vous le pouvez, explique la description de l'application qualifiée de jeu de sport. Plus c'est haut, mieux c'est, ajoutent les développeurs. L'application utilise le gyroscope du smartphone pour mesurer la hauteur atteinte et des classements sont ainsi proposés. Et si le GPS du terminal est allumé, il est même possible de mesurer localement son talent aux autres dans le coin. Oh. Fouing, mes airs! Mais évidemment, les gens diront qu'un Android, ça supporte beaucoup mieux une chute qu'un iPhone. Ben oui. C'est ce qu'ils disent. Ben oui, c'est bien. Un jeu dangereux à pratiquer au risque et péril des mobinos de kamikazes. Allez-y, cherchez l'application gratuitement sur le Google Play Store. Des vitres à la couleur et à l'opacité variable ont déjà été conçues, mais attention, des physiciens américains viennent de mettre au point un prototype de vitre électrochimique avec ses propriétés qui est également capable de bloquer la chaleur du soleil tout en laissant passer la lumière. La vitre conçue par le laboratoire Lawrence Berkeley est un savant mélange de nanoparticules et de verre. L'équipe a inséré dans un verre spécial qui contient de l'oxyde de niobium, des cristaux nanométriques d'oxyde d'indium éteint, super complexe, hein? Un alliage métallique qui a la propriété de rester transparent lorsqu'il est déposé en couches très minces. Cet alliage est également utilisé dans la conception des écrans plats ou tactiles. Une substance conductrice d'électricité a également été introduite dans la vitre. Ainsi, lorsqu'aucun courant électrique ne la traverse, la vitre ressemble à n'importe quelle autre et laisse passer indistinctement, lumière et chaleur. Toutefois, si on impulse un faible courant, seule la lumière traverse le dispositif qui bloque en grande partie la chaleur. Et si le courant est plus fort, la vitre devient totalement opaque. Selon les chercheurs, les propriétés des cristaux à l'échelle nanométrique ont permis d'obtenir des performances 5 fois supérieures à celles du seul verre au niobium, avec une excellente stabilité du matériau après usage répété. Ce nouveau matériau a été développé dans l'optique de servir pour les bâtiments. Il pourrait aussi être utile dans les automobiles ou les avions. La technologie est toutefois loin des cadres de fenêtres, donc dans les maisons normales. Pour être viable à l'échelle industrielle, ces vitres intelligentes devront notamment permettre des économies d'énergie suffisantes pour compenser le coût très élevé des matériaux utilisés, rares et chers. C'est selon Radio-Canada. Mais cool, une vitre qui peut être opaque ou transparente. Ouais, c'est vraiment génial. Et empêcher la chaleur de rentrer. Mais oui, c'est hot, hein? Magnifique. Maintenant, retour flashback. Tu te rappelles les téléphones flip phone qu'on fermait? Ouais, qu'on pouvait ouais. J'aimais ça. On pouvait raccrocher la ligne au nez, puis flac! Flac! T'avais l'air super cool, là. Puis là, quand tu le tenais dans juste une main, là, puis que là, tu réussis comme à le fermer juste de ta main, là, c'était hot! Tu te sentais puissante. Mais hein. Ben, ça va être de retour. Entre deux téléphones intelligents haut de gamme et une nouvelle phablette, donc phone et tablette, là. Samsung dévoile en catimini sur son site chinois un étonnant modèle à clapet et à double écran. Le Samsung Hennessy est donc un modèle à part, disposant de deux écrans de 3,3 pouces, et ce produit devrait, selon toute vraisemblance, être réservé au marché asiatique. Oh! Un flip phone avec deux écrans. Mais si ça marche, ça va sûrement venir ici. Ben oui, avec sûrement toute la technologie qu'on retrouve dans les téléphones récents. Mais oui! Écran tactile, quadruple cœur, etc. Oh, je serais tellement heureuse! Ça va être cute! Oui! IKEA se lance dans la réalité augmentée. Selon le spécialiste de l'ameublement IKEA, ils veulent enrichir la prochaine version de leur catalogue en y ajoutant une couche de réalité augmentée. Parmi les usages plus populaires, on retrouve la possibilité de distinguer les parts. On connaît la réalité augmentée où on peut pointer avec son téléphone cellulaire pour trouver des bars. T'sais, mettons, il va y avoir des pubs, des bistrots. Tu te promènes avec ton téléphone et ça va dire bon, ben, y a un bar par là-bas, puis tu suis, puis les bars vont être indiqués sur ton téléphone. Ouais. Bref, ça, c'est de la réalité augmentée. Maintenant, la société IKEA explique que pour l'édition 2014 de son catalogue, une application sur iOS et Android sera disponible. Donc, celle-ci va permettre de juger plus précisément l'aspect d'un meuble directement chez soi. Donc, 90 produits vont être référencés comme table, canapé, chaise, lit, bibliothèque. Et on va pouvoir donc montrer, il va suffire au consommateur de placer le catalogue à l'endroit précis où le meuble doit être positionné. Et l'application va se baser sur les dimensions du magazine à l'échelle pour reproduire à taille réelle le placard, la chaise, le canapé dans ton salon. Ben là! Par réalité augmentée. Hey, c'est génial. C'est wow. Wow. Oh, j'aime tellement IKEA. Sont malades. Les applications mobiles d'IKEA seront disponibles sur l'App Store le 25 août. C'est très bientôt. Ben, c'est parce que c'est genre là. Ouais. Mais 90 produits, il faut commencer à quelque part. C'est pas beaucoup pour l'instant, mais bon. Ben, en tout cas, c'est quand même déjà pas mal. Oh mon Dieu, j'en veux tout de suite. On adore ça. Maintenant, on va y aller avec le dernier article pour le bloc nouvelles. À l'occasion du 50e anniversaire de la série Doctor Who, dont on parlait dans Télévision tantôt, on va pouvoir pénétrer à l'intérieur du TARDIS, la célèbre boîte téléphonique sur Google Maps. Donc, depuis 1963, le célèbre programme de la BBC mettant en scène un extraterrestre, le fameux Docteur, a vu défiler les interprètes, on a dit 12 tantôt. Donc, le Docteur qui a une forme humaine malgré ses 900 ans, explore la planète et voyage dans le temps à bord du TARDIS. Jusqu'alors, seule l'exposition dédiée à la série, qu'on appelle The Doctor Who Experience, visible à Londres puis à Cardiff, permettait de visiter le vaisseau. Et bien, la cabine a aussi atterri mi-juillet à l'aéroport d'Heathrow. Et maintenant, les nombreux fans de Doctor Who peuvent désormais visiter l'engin via Google Maps. Lorsque l'internaute saisit l'adresse suivante, Earl's Court Road, London, Greater London, SW59RB, sur l'application Street View du moteur de recherche, il peut aisément se promener à l'intérieur du TARDIS, mais uniquement dans la salle de contrôle et son niveau inférieur. Donc, si je me promène sur Google Maps en ce moment, je vais pouvoir te montrer où on voit la célèbre boîte bleue de Doctor Who. Et si tu appuies sur la flèche qui est juste devant, on entre en zoom à l'intérieur. Est-ce que ça le fait? Bref, ça le fait pas. Mais on voit à l'intérieur et c'est super simple. C'est rien que là, j'essaie de le faire à l'envers. Ouais, mais c'est bref. Vraiment le fun là, pour les fans et tout. Là. Très cool, très beau. Ça doit être dans les projets, tu sais, 20%. Chez Google, tu as le droit de passer 20% de ton temps à faire quelque chose de juste cool et qui n'a pas vraiment rapport avec ta job. Ben ouais, là. Ils sont vraiment regardistes. Ben là, c'est comment ça qu'on n'a pas ça ici? Mais bref, ça doit être là-dedans et c'est très, très réussi. Le lien sur assemblagerequis.com, j'adore. Wow. Maintenant... on va y aller avec... on va retourner en musique parce qu'il fait chaud. Puis, juste pour ça. On revient après ça avec Guiguette en devenir. Hey, c'est moi, ça! La chronique de Marie-Ève Picard. Oui! Reste avec nous. Pour l'instant, on écoute Hawk Theme par Mount Perseus. MPS, Mathieu Plante chaud. Ouh! Mathieu Plante chaud. Ah! Tout trappe. Oh! Pourtant, on n'est pas à assemblage requis à la plage. Oh! Mais je veux autant de sable des bobettes. La chanson Hawk Team par Mount Perseus au Mathieu Plante Show. Et on continue avec Wow! What? Web! Et c'est évidemment la portion plus tournette de la chronique scénique qu'on a commencé tantôt. Commençons avec Bootoob.com. B-O-O-O-O. Tube.com. Combien que de O? Il y en a 4, je pense. Bootoob, oui, il y en a 4. Ben, moi, ça va 3. T'as raison, je pense qu'il y en a 3. T'as raison. Ça se peut qu'il y en a 4 dans l'adresse. Je suis comme toute mêlée. Ben, là, je sais pas. Attends un peu. 1, 2, 3. Non, il y en a 3. Il y en a 3. Je me sens niaiseux. Bootoob.com, c'est toutes les pires vidéos de YouTube au même endroit. Donc, c'est les vidéos qui ont les moins bonnes cotes, le plus de dislikes, tu sais. Ah, c'est hot! C'est vraiment très, très le fun. Oui. J'en ferai pas écouter parce que ça donne rien à ta radio, là, mais il y a même des choix de l'équipe. Dans le fond, l'équipe de Bootoob choisit les pires vidéos. Si t'es là-dessus, ben, bravo. Tout cas, ouais, ben, tu vois, hein? C'est ton vidéo va pas être pas bon, mais tu deviens populaire pareil. Et voilà, moi j'adore l'idée. Oui. C'est comme un genre de dollar à clip du YouTube. Oui! Ensuite, sur onesecond.designly.com, on nous dit, c'est comme un genre de truc interactif, où tu appuies sur la flèche et là tu scrolles et ça te dit, bon, en ce moment, présentement, pendant que tu es sur le site, il y a ce nombre-là de votes qui sont faits sur Reddit. OK, mettons, il y en a eu 21 079 depuis qu'on a cliqué sur le lien tantôt. Ensuite, tu descends, c'est le nombre de photos qui sont envoyées sur Instagram en ce moment. Ensuite, le nombre de posts sur Tumblr, le nombre d'appels Skype. Et là, plus tu descends, et plus c'est des gros sites. Il y a Facebook, il y a des courriels, des fichiers sur Dropbox. Les fichiers sur Dropbox qui sont envoyés par seconde, ça se peut juste plus. Tu scrolles le nombre de recherches sur Google qui sont faites par seconde. Et c'est complètement visuel, donc allez voir ça. C'est One Second on the Internet, je trouve ça génial. Ben, ouais, c'est quelque chose, hein? Vraiment. Wow! Ensuite, dans le même genre, un GIF animé qui vous montre l'activité sur Internet dans une journée. OK, donc dans une journée de 24 heures, what? L'activité sur Internet a l'air de ça. Donc, on voit la lumière. Dans le fond, il y a une espèce de vague de lumière. Et ça, c'est vraiment le jour et la nuit qui bougent sur le GIF animé. Et on voit l'utilisation d'Internet dans différents pays. Là, en ce moment, c'est très, très, très, très utilisé en ce moment. Et évidemment, les gens vont plus sur Internet le jour que la nuit. Oui! Donc, un visuel de comment ça se passe sur Internet. C'est fun! Ouais. Ensuite, à l'Université de Kyoto, on a installé des sièges de cafétéria pour une seule personne. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, on avait parlé d'un café. Oui! Avec des tables qui étaient placées pour être seules en train de manger. Ben, c'est la même chose que dans une université. Donc, ça s'appelle les bocce, donc alone. C'est des sièges de cafétéria avec un séparateur entre les deux. Donc, dans le fond, t'es assis sur une longue table. Et face à toi, ce qu'il y a, c'est un mur. Ouais. Mais avec une fente en bas pour que tu puisses voir l'autre personne mange quoi, tu sais, pour pouvoir te divertir un peu, tu sais. Mais ben tu non. vois pas la personne en tant que telle. Ben non! C'est cool. Il y a comme 50 cm de vide dans le fond où tu peux voir en bas. Ah, oh boy! C'est cool. Mais c'est une cafétéria à l'Université de Kyoto. Ah! Oh. Ça, c'est cool. Parlant de choses que je trouve cool, les Simpsons vont avoir leur propre Lego l'année prochaine. En 2014, les Simpsons Lego. On sait pas encore, il y a rien qui a été révélé, pas de prix, pas de qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans, mais on sait que ça s'en vient. Ben là, c'est malade. On va vous tenir au courant. Mais c'est sûr. Il y a une application pour iPhone qui s'appelle Commercial Break. Tu sais, quand tu regardes une émission de télé, tu veux changer de poste pendant une pause. Ouais. Mais tu sais pas quand tu arrives à une autre pause, là. C'est ça, tu arrives à une autre pause où tu arrives puis tu reviens à ta chaîne originale et tu as déjà manqué un bout. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est plat. C'est frustrant. Donc, l'application Commercial Break, vous allez lui dire, si vous êtes évidemment aux États-Unis, quelle émission vous regardez sur quelle chaîne. Ils vont t'envoyer par push notification sur l'iPhone, donc un message poussé qui va te dire reviens à ta chaîne originale parce que l'émission va recommencer dans X secondes. Oh! Mais c'est dans le fun, ça! Excellent. C'est seulement aux États-Unis, seulement dans certaines villes là-bas. Oh. Et tu peux collecter ton compte Facebook. Donc, j'imagine qu'il va te poker ou t'envoyer un message sur Facebook. Ben oui, parce que, mettons, qu'est-ce que tu fais pendant une pause? Ben, tu vas sur Facebook sur ton téléphone, puis là, tu regardes, tu t'attends. Ben, c'est donc bien hot. Mais là, moi, je veux ça, je vais aller aux États-Unis. Oui, depuis le temps qu'on dit qu'on va déménager. Ben là. Ben, c'est ça. Tu peux suivre plusieurs émissions, évidemment, et quitter l'application et attendre tes notifications. C'est disponible gratuitement. Commercial Break. Cool. Sur le site foldable.me, on peut créer une version mini-moi de soi-même, mais en carton. Oh. C'est cute. Une petite version genre boîte de carton de ta propre personne. Wow. Tu vas sur foldable.me et puis tu peux envoyer. Dans le fond, tu peux choisir tes cheveux, un peu comme sur la Wii. Tu peux choisir tes cheveux, ton nez, ta bouche. Bon, c'est le même principe. Oh. Et après ça, tu sélectionnes donc toutes tes affaires. Ils vont t'envoyer par la poste. Oh. Oui, par la poste. Oh. C'est pas toi qui le fais imprimer, c'est vraiment par la poste. Ça vient du Royaume-Uni. Ils vont t'envoyer ça en carton. C'est du petit carton. Et tu plies de la façon que c'est écrit sur les instructions. Ça te fait un mini-moi. Ben là, il faut qu'on se fasse ça pour le show. Pour le Mathieu Plante Show, exactement. Oui. 3,5 pouces de haut. Et puis, c'est super joli. Et c'est super facile à faire aussi. Oh, ben là, go, on fait ça. Maintenant, sur Internet, on cherche, quand on est célibataire, on cherche quelqu'un qui a les mêmes envies que nous, les mêmes goûts. Oui, si ça peut arriver. Les mêmes sports, peut-être, les mêmes émissions de télé. Ouais, bon. Ouais. Mais si t'es allergique au gluten, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est difficile de vivre quand t'as une allergie au gluten ou au lactose, que dans mon cas. Pas, ouais. Que l'autre t'a pas. Il faut que tu concordes ta vie, les recettes. Mettons que t'es végétalien, quelque chose comme ça. Oui. Même chose. Mais bref, on va juste régler le problème des gluten pour l'instant. Ouais. C'est le site Gluten Free Singles. Où tu rencontres vraiment quelqu'un... Du monde qui sont allergiques au gluten! Quelqu'un qui est compatible avec toi. Oh, si c'est cute! Si t'as une intolérance, tu vas sur ce site-là et tu rencontres quelqu'un qui a les mêmes intérêts que toi. Oh! Allez voir le site, c'est sur glutenfreesingles. Est-ce que c'est .com? J'aimerais ça pouvoir voir glutenfreesingles.com. Oui, voilà. Hey, ça veut dire que c'est vraiment rendu grave, cette maladie-là, là, les allergies au gluten. Là, quand c'est rendu que maintenant, il y a un site de rencontre pour eux autres. Ben, c'est déjà difficile quand ta copine, mettons, aime pas les pâtes, le fromage, des affaires comme ça. Comme c'est plate, ça. Tu manges pas ces affaires-là parce que tu t'empêches de vivre pour l'autre. Ouais, c'est plate, ça. Fait que, bref. Une chance que des fois, la copine en raison en fait quand même. Une chance pour l'autre et elle mange ce que l'autre aime pas, par exemple du porc. Oui. Ben oui, c'est ça. On donne des exemples en l'air comme ça. Ben oui, en l'air de même. Là. C'est beau les compromis. Hein? Ça a l'air vrai, ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui a créé des Lego, des personnages en Lego, mais qui ressemblent à une Nintendo 64. Donc, c'est Baron Von Brunk qui a fait Lego Farmers. Donc, ça ressemble visuellement à une console de Nintendo 64 ou à encore à une télécommande de Nintendo 64 et ça se transforme en robot. Et c'est fait complètement à partir de morceaux de Lego. Donc, c'est pas des affaires custom qu'il a haché puis qu'il a coupé. Non, c'est vraiment des morceaux de Lego. Oh. Il a fait ça pour le concours Toy Brick Contest. Donc, c'est super, super, super beau. Allez voir ça. Et comme il dit, c'est ça, c'est fait 100% à partir de morceaux de Lego. Pas de colle, pas de peinture, pas de découpage, pas de morceaux qui sont pas normalement disponibles chez Lego. Et allez voir, il y a un gif animé de la Nintendo 64 en train de se transformer en ce robot-là. Et le robot en train de se retransformer en Nintendo 64. C'est impressionnant. Malade. Je trouve ça vraiment cool. Je sors par-dessus quelques affaires. Il y a DirecTV, entre autres, qui va offrir, c'est une compagnie de satellite aux États-Unis, qui va offrir une chaîne télévisée pour les chiens. Ben là. OK, seulement pour les chiens, ça va coûter 10$ par mois. Une chaîne 24 heures programmée pour les chiens. Et ils pensent en faire une pour les chats. Ben voyons donc. Des mais affaires qu'est-ce qu'ils qui vont stimulent. Là-dessus? Des bâtons de bois qui. Non, mais c'est qui volent partout dans les trains. Tu risques de te faire défoncer ta TV ben, par ton mais chien. Ben, vraiment? Oh, voyons donc, c'est quand même pas intelligent. C'est n'importe quoi. Il y a un artiste qui a fabriqué, dans le fond, tu te rappelles dans Mario Bros 3, t'avais un jeu où il fallait que tu matches le dessus d'un champignon avec le milieu d'un champignon avec le bas d'un champignon. Okay. Oui, ça c'était le fun. C'est comme une slot machine qui est bon. Et bref, il a fait des cadres avec ça et tu peux les acheter et les mettre dans ton salon, dans l'ordre que tu veux, que t'aies gagné ou que t'aies perdu. Ben mettons. Non. Le haut d'une fleur, le bas d'une étoile. Malade! Ouais. C'est pas vraiment. Ton bras, papa. C'est sur. C'est 10 par 8 pouces. C'est disponible sur Etsy, je crois. Oui. Oui, James Bitt. C'est ben vraiment là. Réussi. Il hey, faut qu'on les commande. Vraiment. Bon, allons-y. Une autre affaire. Hey, ça coûte cher la vie. Hein. Ouais, mais hein. Combien on va être heureux? Et en effet, et on termine avec ce gars-là qui aime prendre... En fait, c'est comme un genre de commentaire sur les losers qui ont pas de copine, mais qui font semblant d'en avoir une. Comme, mettons, le gars se peint la main pour se peindre les poils, OK? Se met les ongles avec du vernis et se met un beau petit froufrou sur le poignet et va après ça prendre une photo de la main de la fille. Oh. Mais tu sais, c'est pas la fille, c'est lui. Mais... C'est sa propre pour main. Pour faire semblant que pour c'est faire sa semblant. Blonde, la main de sa blonde. Mais ce qui est le fun, c'est qu'après ça, tu vois les photos de lui en train de faire ça, parce que c'est ça le commentaire qu'il veut faire. Donc, tu vois la photo de lui en train de prendre sa photo avec sa main dessinée en femme, déguisée en femme. C'est vraiment très, très cool. Donc, allez voir ça, c'est une série de photos qu'on peut retrouver sur assemblagerequis.com, évidemment. C'est juste malade, je trouve c'est ça. C'est drôle. C'est parfait. Oui. Donc, voilà pour la chronique Wow What Web à l'intérieur de CNX dans le Mathieu Plante Show. Et maintenant, on transitionne très rapidement parce que Marie-Ève Picard est la vedette à la fin de chaque émission. Voici Geekette en devenir. Bonjour Marie-Ève Picard. Bonjour Mathieu Plante. Princesse Picard. Oh oui. Quelques petits sujets que tu nous as trouvés sur Internet cette semaine. Oui. Ben écoute, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va quand même faire ça vite. Prends ton temps. Écoute, toi, t'aimes ça manger? Toujours. En fait, si j'étais pas en train d'allumer, je serais en train de manger. Ben c'est ça, je me disais. Puis, t'aimes ça les jeux vidéo? Sans cesse. Ben qu'est-ce que t'aimerais-tu ça, mettons, genre un jeu, là? Où tu pourrais manger en jouant à un jeu vidéo? Oui! Yeah! Ben, tes vœux sont exaucés. Enfin! Je te le dis. OK. Ça s'appelle Pixelate. Pixelate comme dans Hate, comme dans J'ai mangé, tu sais. Ouais. Wow. C'est hot, hein? Malade. Écoute, c'est un jeu que tu dois manger ce qu'on te dit dans le bon ordre et le plus vite possible. Okay. Ça a été inventé par des étudiants du Royal College, soit Kumar et Lana Z. Porter. Mm-hmm. Donc, c'est un peu comme un jeu de Guitar Hero ou Tetris, si on veut. Mais à la place, tu manges. Wow! Déjà, je suis déjà convaincu. Là. Ben, écoute, c'est quelque chose, là. Je suis en train de regarder la vidéo un petit peu, là. Ça a l'air comme une compétition entre un gars et une fille. Donc, c'est ça. Ça apparaît à l'écran, mettons, mange un morceau de kiwi, tu manges un morceau de kiwi. Exactement. Okay. Dans le fond, c'est ça. Tu suis ce que la machine te dit de faire, dans le fond. C'est ça. Le but, c'est de gagner, évidemment, donc de manger le plus vite possible. Et puis, c'est la machine elle-même. T'as pas besoin d'un témoin pour... Okay. C'est ça que je vois, parce que la fourchette est branchée dans la table. C'est ça. Okay. À cause de la fourchette, dans le fond, c'est elle qui détecte là, qui a fini en premier. Là. Wow. Fait que pas de chicane dans le couple là, si tu joues contre ta copine. Exactement. Est-ce qu'il devrait faire une version genre où le gars mange, ou la fille, peu importe, la personne qui mange moins bien mangerait genre des chips puis de la poutine, puis l'autre mangerait des fruits pour être plus santé. T'sais. Ouais, ben à date, ça a l'air d'être des enfants santé, disons, mais j'imagine que ça pourrait peut-être se faire, mais quoi que piquer une fourchette dans un chip. bon point. C'est peut-être pas l'idéal. Hein? Pizza de bord. C'est génial. Pixelate, c'est le nom de ça. Voilà. Malade. Oui, et ensuite, en fait, on reste encore dans le monde du magie, ton monde préféré. Mm-hmm. au Japon, ils ont sorti, attention, des Doritos au bacon fumé. What? What? Oui. Malade. C'est malade. Ça a l'air tellement bon, là. C'est... Il y a toutes les sortes de chips sont au bacon, les yum-yum, n'importe quoi, mais Doritos, oui, c'est pas... Ils en ont pas, eux. Bacon Colin, fait que faut aller au Japon. Absolument. Ou en commander sur eBay. Oui, c'est ça. Okay. On pourrait en commander aussi. C'est une édition limitée sur ouais, le sac. Ouais, c'est ça. Faudrait juste vérifier là, qu'il y en a encore. Là, si c'était une édition limitée, ils sont peut-être passés date de là. Moi, non, peut-être pas, là, mais juste être sûr qu'il y en ait encore. Mmh. Ouais, bien ça a l'air bon. Et aussi, il y a des crottes de fromage à saveur de Pepsi. Au Pepsi. Drôle de mélange. Ben, ça. Moi, je trouve ça cool. Ça te pétille dans la bouche, hein? Ben oui, c'est ça. C'est que il y a quelqu'un qui l'a commandé puis qui a goûté. Et en fait, c'est ça qu'il disait, que ça goûtait un peu, en fait... le goût du Pepsi est là, en gros. Sauf que ça goûte plus citronné un peu. Comme le Pepsi au citron. Oui, c'est ça. With lime, là. Ouais, c'est ça. Okay. Oui. Ça goûte un peu ça. Puis quand tu croques, là, dans le fond, c'est ça. Ça fait comme le bubble, là. Le comme un soda stream. Oui, c'est ça. Direct dans ma bouche. Si je pouvais mettre le soda stream directement dans ma bouche. Wow, ça a l'air cool. Et ça, je suis en train de regarder sur eBay en ce moment. Ah ben, ouais. Il y en a de disponibles. Oh, malade. OK, fait que on s'en procure. On commande ça aussi. Fait que je pense que la carte de crédit, elle va dire bonjour, ça va bien. Voilà. Oui. Malade. Ouais. Et puis là, évidemment, pour terminer, là, ça prend une petite partie plus fafille. OK, là, hein? Féminine. Ouais, ben oui, hein, je suis pas une geekette pour rien. Mm-hmm. Imagine-toi donc qu'ils ont sorti une Barbie de l'espace. Ah, bonne idée. Ouais. Elle est vraiment cool, elle est full belle. Là. Sauf que quand tu regardes, là, tu te rends compte que, elle ne pourrait pas survivre dans l'espace. OK. Parce que tu mourrais sur Mars, je pense, c'est ça? Probablement, oui, en effet. Et aussi parce que, écoute, tu sais, ils ont tous mis les accessoires que ça prend, là, les bottes, le ci, le ça. Sauf que elle n'a pas de gants. Elle a les mains à l'air! Oh non! Oui! Ça va faire des bulles puis ça va exploser. Mais là, voyons donc, c'est parce que là... Hein? Parce que là, comment? Mais tu sais. Mais donc, Barbie sur Mars, Barbie dans l'espace. Voilà. C'est ton troisième choix. Bravo, ouais. Marie-Ève, bon choix. Merci. Cool, on se quitte là-dessus, malheureusement. Regarde ça. Merci, Marie-Ève. Ça m'a fait plaisir. À dimanche prochain, on se retrouve direct à 16h et on repasse les mercredis à 14h. Allez voir Sif.ca pour la programmation et sondagejockey.com pour les notes de l'émission et les balados de diffusion. Encore une fois, merci à Maria Picard. Ça me fait plaisir. Et de la part de toute l'équipe Fictive, passez une excellente semaine. À la prochaine. Bye bye. Bye.